Le spectre de ma chute au centre de mes hantises. Viens foutre la merde comme monsieur Anki. Je laisse à d'autres le rap infantile. Mes ennuis s'empirent, les insomnies je les enquille. Remorse et regrets, je ne fais qu'amasser les deux. La calvitie ne m'empêchera pas de m'arracher les cheveux. Pas là pour jouer les gangsters. L'auditeur, je le prends pas pour un mange-merde. Je suis résistant comme Donovan. Sur la main, les anciens ont tatoué des morts aux vaches. Il flotte une odeur pestilentielle. Vu l'état de mon âme, j'ai peu de chance de faire ce qu'il en fait. J'évite les phases qui n'ont pas de sens. Je les vois noyer le poisson dans un bain de sang. Hey, je viens clarifier les choses si t'étais sceptique. Ma tourmente est indéfectible. Je finirai entre quatre planches, jonché de désillusions et l'itinéraire que j'arpente. La solitude, c'est tout ce qu'il me reste. Marre de courir après des fantômes comme Bill Murray. Entre chaque mesure, un ange passe, mais ne s'éternise pas. Et puis dans le fond, je me dis qu'est-ce qu'il ferait. Pas que ça a foutre de croiser les doigts. J'emmerde la chance, j'ai vu cette existence écraser les braves. On vit dans un monde qui part en couille et chacun de nous est responsable de ce bordel. Dans une telle situation, il faut fermer les yeux et pas se laisser atteindre. C'est chacun pour soi. L'électricien n'y pourra rien si demain je pète un fusible. Si Duke Nukem me prête un fusil, malgré mes bonnes manières, textuellement je m'en sors les doigts dans le nez. Tu kiffes ta destinée, je déplore la mienne. Insociable, je suis cette sorte de type. J'en ai fini de donner ma confiance ou de l'importance à n'importe qui. J'évolue dans un monde bizarre où même les illettrés peuvent lire le dépit sur mon visage. Vu que j'ai un aller simple vers la morgue, je peux ravaler ma fierté, mais ça me restera en travers de la gorge. Pareil que je ne suis qu'un être nuisible, accablé par cette vie, combien se tourne vers le suicide. Le dièse prend l'eau, je me dois de sauver les meubles. Pour moi, le rap ne se résume pas à des coves et des meufs. Éloquent devant ma feuille, pourtant pas doué pour parler aux dames. Je suis pas ravi, le paradis va me dire d'aller au diable.